Evariste Ndikomanyanga. Albert Ndouaïa sur la mise en onde, bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Les victimes des inondations à Gatumba sont toujours réticentes à leur délocalisation malgré la sensibilisation de l'administration qui continue. Des élèves issus de la communauté Batkoua et fréquentant les écoles à régime d'internat à Kayanza ont un très bas niveau avec une moyenne à moins de 40%. Pour tous ces deux derniers trimestres, le directeur provincial de l'éducation a de quoi à s'inquiéter. Et les clients de la régie des eaux Arumongue se plaignent de la surfacturation des consommations en eau et refusent de payer. Le directeur général de cette entreprise promet d'y dépêcher une mission qui sera conduite par le directeur commercial. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page Justice. Sandra Muhoza, journaliste de La Nova Burundi, est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril 2024. Les informations fournies par ses avocats indiquant qu'elle est poursuivie pour des infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Des sources proches de sa famille et son employeur précisent que Muhoza venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations. Les cinq organisations de professionnels des médias réunis au sein de la Maison de la Presse du Burundi disent avoir appris avec regret la privation de liberté de Sandra Muhoza. Dans un communiqué de presse du 18 avril, ces organisations souhaitent qu'elle soit relâchée et demandent que les enquêtes soient effectuées dans le strict respect de la loi. De son côté, Reporters sans frontières demande dans un communiqué de presse de ce 25 avril une détention arbitraire et exige des autorités sa libération immédiate. Un jeune homme de 21 ans habitant Rumoni, en commune Burambi de la province Rumonge, est dans les mains de la police judiciaire au commissariat communal de cette commune depuis ce mardi matin. Les sources dans le voisinage, confirmées par l'administrateur communal de Burambi, indiquent que ce jeune homme est accusé d'avoir tué son grand frère à l'aide d'un manche d'une hache alors qu'il rentrait dans le toit parental la soirée de ce lundi. Les mêmes sources indiquent que le présumé auteur de ce meurtre a été arrêté dans sa fuite sur la colline Rutwendi et a passé la nuit gardé à la position de Rohiro sur la colline Ruhinyuza de cette même commune. Des enquêtes policières sont en cours pour tenter de connaître la cause de cet incident entre deux frères dont la cohabitation était bonne, selon des sources dans le voisinage. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une certaine famille s'est lamentée ce mardi pour avoir trouvé le corps des membres de faim déjà décomposés à la morgue de l'hôpital militaire de Kamenge. Au moment où la famille s'apprêtait à son enterrement, la direction de l'hôpital militaire de Kamenge a indiqué que l'institution en ignore la cause, expliquant que cette morgue gardait 8 corps à la fois, mais que c'est le seul corps qui n'était pas en bon état. Dr Marc Nimburanira précise que des enquêtes sont en cours afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Suivez-le, ces propos ont été recueillis par Lydie Gaïmbati. Et la personne décédée a été conservée à notre morgue. Ça fait plus d'une semaine. Aujourd'hui, c'était le jour d'enterrement. Et quand on a examiné le corps, c'était encore avec des modifications qui commençaient à s'observer sur le corps. C'est une situation qui n'enchante pas la famille. Normalement, quand on nous confie un corps, on devrait le remettre dans l'état où le corps nous a été confié. Mais malheureusement, nous sommes devant cette situation. Il y a des hypothèses. Est-ce que le délai entre l'heure du décès et l'heure d'admission à la morgue était long ou pas long? Ou est-ce que les coupures intempestives de courant peuvent être à l'origine? Nous n'avons pas de preuves. En ce qui concerne le courant, nous avons un groupe qui se relance automatiquement. Et même s'il y a une partie, si la morgue est en panne, nous avons des techniciens qui agissent rapidement. De ce côté-là, nous n'avons pas pu trouver de réponse. Donc ce que nous avons pu faire, nous avons mené une réunion avec la famille. Nous avons fait le contour de la question. Et le constat, c'est que ce qui s'est passé ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Et pour ça, nous avons demandé pardon et la famille nous a pardonné. Mais nous avons promis que nous allons continuer à chercher la cause. Qu'est-ce qui s'est passé pour prévenir, pour qu'il n'y ait pas une récidive prochainement. Et les habitants et certains habitants de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, victimes des inondations causées par le lac Tanganyika et la rivière Rusizi, expriment leur réticence à leur délocalisation dans d'autres provinces du pays. Le chef de zone Gatumba a dit que des campagnes d'explication de cette décision gouvernementale sont en cours pour leur faire comprendre l'importance de celle-ci. Mais cette population sinistrée s'inquiète de voir que des gens ayant beaucoup de moyens sont par contre en train d'acheter les mêmes propriétés aujourd'hui sous eau. Les détails avec Dohore Mingabit. La majorité de la population de Gatumba vivant aujourd'hui dans l'eau mène une vie difficile. Selon les témoignages recueillis sur place, la plupart dorment dans leurs maisons inondées et pour accéder à leur domicile, ils prennent des petites pirogues à partir de la route Bujumbura-Gatumba pour y accéder. Les activités commerciales continuent toujours au bord de cette route dans des kiosques à moitié inondés. Certains des sinistrés de Gatumba qui ont refusé la prise de son et des images ne digèrent pas la décision du gouvernement de les délocaliser dans d'autres provinces du pays. Mais les campagnes de sensibilisation sont en cours pour leur faire comprendre le bien fondé de vider les lieux, retorque Muyowa Kejan, le chef de zone Gatumba. C'est une bonne orientation du gouvernement et la population en est sensible car nombreux sont déjà venus se faire inscrire et ont bel et bien répondu massivement à cette appel du gouvernement. Nous, les administratifs, nous continuons à sensibiliser la population. Les sinistrés de Gatumba qui ont recueilli l'anonymat avancent une autre raison de ne pas quitter Gatumba. Ils disent ne pas comprendre pourquoi il y a aujourd'hui des riches qui viennent s'acheter des étendues de terre inondées. Le chef de zone Gatumba dit ne pas être au courant de cela. Je ne suis pas au courant de l'achat des étendues aujourd'hui inondées. L'important est de répondre à l'appel du gouvernement, car c'est le parent qui donne l'orientation. C'est le gouvernement qui les avait installés ici et il a le plein droit de les délocaliser. La population sinistrée de Gatumba veut aussi savoir si elle sera permise de revenir au cas où la situation aura changé. Le chef de zone Gatumba répond que la délocalisation sera définitive, arguant que des signes ont déjà montré que Gatumba est invivable. Il est difficile de revenir dans un endroit inondé. C'est très difficile. Il y a à l'endroit inondé depuis 2020 et l'eau est toujours là. Il faut accepter la décision du gouvernement. À part les résidents de Gatumba qui vivent aujourd'hui une vie semi-aquatique et qui ne savent à quel sens se vouer, les éleveurs de gros et petits bétail ne savent pas où les délocaliser. Oreb do Orebingabide, parlons à présent éducation. Les élèves batois fréquentant les écoles à régime d'internat en province scolaire de Kayanza enregistrent un mauvais rendement scolaire. L'exemple est celui de ceux qui étudient au lycée Kayanza, dont personne n'a atteint au moins la moyenne de 40% ces deux derniers trimestres. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, envisage saisir le ministère de tutelle pour que ces enfants issus des familles batois subissent un encadrement de proximité depuis l'école fondamentale. De détails avec Patrick Senghiouf. Ces élèves issus des familles de la communauté batois scolarisés au lycée Kayanza disent qu'ils révisent régulièrement les cours comme tant d'autres élèves du dit établissement scolaire, mais qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre les questions posées dans différentes épreuves effectuées en classe. Ces propos sont de chez Mezimana Mireille Nilameva Emeline, deux jeunes filles étudiantes dans la première année pédagogique au lycée Kayanza. Toutefois, ces jeunes filles et batois font savoir qu'ils vont fournir beaucoup plus d'efforts au troisième palier pour améliorer les rendements scolaires, organe que suivre des apprentissages dans une école à régime d'internat pour un élève issu des familles de la communauté des Batois est un honneur. Mais mes propos avec Joye Niyimoumae, un autre élève de la première année dans la section biochimie et sciences de la terre à cet établissement scolaire, qui est aussi issu d'une famille de la communauté des Batois, qui fait savoir que bien qu'il enregistre de mauvais résultats en classe, il se réjouit de cette opportunité d'être admis dans une école à régime d'internat. Il invite d'ailleurs d'autres élèves issus des familles des Batois à avoir d'engouement pour les études et ne pas abandonner l'école. Les élèves issus des familles de la communauté des Batois étudiants au lycée Kayanza apprécient beaucoup qu'ils ne sont pas dépréciés ou stigmatisés par d'autres élèves dans cette communauté, mais que plutôt ils cohabitent bien. Contactez le directeur provincial de l'éducation à Kayanza aux différentes stratégies à mettre en place pour permettre à ces élèves batois à améliorer leur rendement scolaire. Désiré Atungimana nous a fait savoir qu'il va bientôt plaider auprès du ministère de l'éducation pour que ces élèves batois soient encadrés depuis le 4e cycle fondamental, ce qui d'après lui leur permettra d'affronter sans difficulté différentes sections du poste fondamental. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiu va pour la radio Isanganiro. Sur cette question, la coalition éducation pour tous Bafashevigue plaide pour un accompagnement spécial à réserver à ses élèves issus de la communauté des Batkwa. Kassien Gachelahamne, vice-président de cette coalition, explique qu'il est nécessaire qu'il soit encadré en matière de révision des cours et en matière d'intégration sociale pour accroître leur rendement scolaire. Suivez-le au micro de Jean de Dieu, il a compté. Au niveau de la coalition Fashevique, nous prenons pour une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous. Avec la mesure en fait, d'ouvrir les internats pour les enfants batois, nous avons été satisfaits de cette mesure, et d'autant plus qu'en fait, sans là, une éducation équitable, parce que l'éducation équitable, c'est appuyer, aider cet enfant qui n'a pas des moyens d'arriver là où il devrait arriver. Cependant, nous comprenons cette situation dont on parle à Kayanza. Je ne crois pas que c'est à Kayanza seulement, je crois que c'est même partout ailleurs. Nous interpellons au gouvernement à travers le ministère d'appuyer toujours ces enfants, de continuer l'appui, aller chercher des encadrés, d'abord le score social pour les intégrer dans la communauté estudiantine à l'internat. Parce qu'ils peuvent se sentir, je crois, inférieurs par rapport aux autres, d'autant plus qu'ils ont avancé même avec une note inférieure aux autres. Aussi, un encadrement au niveau des disciplines, il faut qu'il y ait des encadrés qui les aident à faire des exercices, à faire des révisions, même à voir s'ils ont très bien pris les notes comme les autres, s'ils suivent bien les cours. Comme les autres, nous demandons au gouvernement en général et au ministère en particulier, et même aux autres partenaires, d'appuyer encore une fois, de continuer l'appui pour que ces enfants réussissent dans l'école comme les autres. Cap sur Mongue pour parler société. Je vous le disais en titre, certains clients de la régie des eaux dans la ville de Mongue se plaignent de voir que l'eau consommée a été surfacturé. Certains disent qu'ils se sont retrouvés avec des factures multipliées par 6 par rapport à celles habituellement payées, alors que certains hésitent encore à payer. Le directeur général de la régie des eaux leur demande de régler ces factures. En attendant, une émission à Rumongue qui sera conduite par le directeur commercial sur ce cas. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Les factures eau qui font objet de polémiques sont celles émises par la régie des eaux fin février de cette année en cours à ses clients de la ville de Rumongue. Pour certains clients de la régie des eaux, ils ont été classés dans la catégorie administration eau alors qu'ils étaient dans la catégorie ménage eau. Pour d'autres, dans la catégorie ménage eau, ils se sont retrouvés avec une seule facture en 4 mois au lieu de 2 factures sur 2 mois avec une troisième tranche plus chère. Certains se sont retrouvés avec des factures doublées et d'autres avec des factures 6 fois celles payées habituellement les 2 mois. Certains ont réglé la facture malgré eux et d'autres hésitent encore. Tous réclament de la régie des eaux des éclaircissements. Contacté à ce sujet, Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, conseille à ses abonnés hésitant encore de payer à régler leurs factures telles que émises par la régie des eaux. Il promet tout de même de dépêcher à Rumongue le directeur commercial sur ces cas et rassure que si un cas de surfacturation est constaté, le montant excédentaire sera remis au client. Jean-Pierre Misago de Rumongue, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. L'allaitement maternel au moment des douleurs abdominales liées aux coliques du nourrisson est l'un des moyens conseillés pour les soulager. Le pédiatre Félix Haridmana indique qu'il est préférable de ne pas donner les médicaments, sauf seulement en cas d'apparition de certains signes comme la fièvre ou la diarrhée. Il rassure toutefois que ces coliques n'ont pas d'effet néfaste sur la santé du bébé. Les détails de cette chronique santé avec Ornella Mucho. Lorsque l'enfant souffre d'une colique, il y a quelques techniques pour soulager et calmer cet enfant. Le pédiatre Félix Haridmana parle notamment de marcher avec l'enfant d'une pièce à l'autre, pouvant créer un nouvel environnement susceptible de capter son intérêt. Les recherches ont prouvé qu'un enfant mis dans un endroit calme, un enfant à qui on fait le massage abdominal dans le sens des aiguilles d'une montre, un bébé à qui on donne le sein ou on donne du lait artificiel, après la boisson, l'enfant est soulagé sur le plan clinique, cliniquement soulagé. Certaines gens pensent que les coliques du nourrisson ont des effets néfastes sur la santé du bébé, ce qui n'est pas vrai, comme le pédiatre l'affirme. Il n'y a pas présentement de conséquences post-coliques. Un enfant qui a fait des coliques pendant sa période néonatale ne présente aucune conséquence dans la suite. C'est un enfant qui reste normal, que ce soit psychologiquement, que ce soit cliniquement. Mais il faut souligner ceci. Chaque enfant qui pleure, il faut le réconforter, il faut le soulager, il faut montrer la compassion. S'il est négligé, il peut souffrir de l'insuffisance affective chronique. Ça, c'est un autre chapitre, mais ça peut être lié. Il est déconseillé de donner des médicaments sans avis médical, souligne Dr Haridmana. Normalement, il n'y a pas de médicaments qui peuvent agir efficacement sur les coliques. Les recherches montrent que les médicaments habituellement prescrits comme les antispasmodiques n'ont pas vraiment une efficacité sur les coliques du nourrisson ou du nouveau-né. Ça ne vaut pas la peine, que ce soit la tradithérapie, que ce soit les médicaments pharmaceutiques. Il faut différencier. Un enfant peut pleurer parce qu'il est malade. C'est dans les situations où les pleurs sont associés à la fièvre. Les pleurs sont associés aux diarrhées sanglantes, surtout les vomissements, Les pleurs sont associés à un problème de sommeil, au problème de retard de croissance. Là, il faut aller voir un médecin pour faire les investigations et faire la prise en charge adéquate. Le pédiatre Félix Harimana rappelle aux parents de savoir distinguer les pleurs de décharge des pleurs de colique, d'où ces derniers surviennent souvent à la même heure chaque jour et sont plus fréquents en fin d'après-midi ou en soirée. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaille pour sa complicité technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikomanyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganito.